comment revenir? T'es parti si loin, six pieds sous terre, t'étais si bien. Si sûr de toi une lanterne, pour certains maintenant ton avenir est si terne. Soucis, tonnes de problèmes et tu siffles, tu te mets des grosses caisses. Tes proches te détestent, t'étais si bien. Ton bon côté tu séquestres, t'aimes plus le réel, tu t'enfuis dans des verres, finis tes verres. Tu sais, moi je me dis que le temps m'a joué des tours au détour d'une ruelle. Personne ne m'a donné rendez-vous, pas comme Bruel. On m'a sauté mon permis, moi je voulais un Q7. Aucune femme avec qui coucher, moi qui voulais pousser la poussette. Sous la lune, des nuits torrides, imagine en bonne compagnie. De la Jack Error, une bouteille de Jack Daniels. Mes dernières fréquentations ont voulu me la mettre par derrière. Donc la graine de la haine a germé dans mon aide, je te jure, c'est patate dans ma tête. Tous les jours, à la pointeuse, me rend fou, je multiplie les arrêts. Il m'est déjà arrivé de souhaiter que mon cœur cesse de battre comme un tambour, tant pis. Trop gentil, j'aurais dû être un escroc comme Bernard Tapie. J'arrive au point de mon retour, ma seule et unique pote, c'est ma Polyakov. Tous les jours, l'appréhension que les huissiers viennent frapper à ma porte. Comment remonter la pente, garder la tête sur les épaules, être fort, plus qu'une dernière gorgée. Comment revenir? T'es parti si loin, six pieds sous terre. T'étais si bien, si sûr de toi une lanterne. Pour certains maintenant ton avenir est si terne. Soucis, tonnes de problèmes et tu siffles, tu te mets des grosses caisses. Tes proches te détestent, t'étais si bien. Ton bon côté tu le séquestres, t'aimes plus le réel. Tu t'enfuis dans des verres, finis tes verres. Tes verres, tes verres. Eh mon pote, tu sais moi j'avais tout abusé, j'étais trop frérot fait, j'casquais pour les refrains. Et puis je pensais que les gens m'appréciaient, les lovés coulaient à flot, j'ai bu la tasse tous les euros, j'ai pas vu que les crasses arrivaient. Aujourd'hui j'ai des dettes sur les épaules, imagine j'ai le couteau sous la gorge. J'ai vendu la vago, pas seulement les gens dans manque d'argent. J'ai dû appeler tous mes gens, des centaines de messages laissés, mais personne me rappelle. Dans la rue j'interpelle pour une cigarette, plus personne me convie aux soirées mondaines. Moi qui la jet set montée à la tête, à tout claquer dans les jeux, j'ai pas suggéré, c'est sûr. Même les Aztèques ont mis une croix sur mon dossier. À la banque, tous mes comptes sont fermés à fleurs de peau. Mon ancienne ville me donne l'eau à la bouche. À cette heure, j'ai rien dans les poches. Où vais-je dormir ce soir? Sûrement sous le porche. Comment revenir? T'es parti si loin, six pieds sous terre. T'étais si bien, si sûr de toi une lanterne. Pour certains, maintenant ton avenir est si terne. Soucis, tonnes de problèmes et tu siffles, tu te mets des grosses caisses. Tes proches te détestent, t'étais si bien. Ton bon côté tu le séquestres, t'aimes plus le réel. Tu t'enfuis dans des verres, finis tes verres. Tes verres, tes verres. Pour ma part, j'étais un mec tout ce qu'il y a de plus banal. Ni trop mal, ni trop bien, juste normal. Qui aurait cru que mon destin glisserait sur une peau de banane? Traumatisé par ce que la vie m'a fait, je suis comme éveillé dans mon propre coma. Un taf dans une petite usine de la banlieue de Paname. Mais tu sais, en ce moment ça délocalise grave, la concurrence est chinoise. Du coup, je passe mes journées sur mon canapé et je me suis mis à boire, réalisant que j'avais plus assez d'argent pour entretenir mon mariage. Je me suis voilé la face et fait semblant de rien voir lorsque ma femme s'est fait la malle. Pour d'autres mâles plus friqués, pas fichés chez les banques. D'un côté, elle a eu raison, je suis à la rue à cette heure où ma seule préoccupation est noyer mes erreurs. Avec quelques euros par jour, de quoi survivre en attendant l'hiver et pleurer mon parcours qui est devenu si terne. Comment revenir? T'es parti si loin, six pieds sous terre. T'étais si bien, si sûr de toi une lanterne. Pour certains maintenant ton avenir est si terne. Soucis, tonnes de problèmes et tu siphones, tu te mets des grosses caisses. Tes proches te détestent, t'étais si bien. Ton bon côté tu le séquestres, t'aimes plus le réel. Tu t'enfuis dans des verres, finis tes verres. Tes verres, tes verres.